Ça n'est pas la peine de prendre chaud sous ton maillot. Comme Jenny Longo, qui n'étonne que les sots, qui aime bien le vélo. Comme Jenny Longo. Jenny Longo. Oh, oh. Même si tu peines, je t'aime quand même. Sans ton maillot. Même si tu peines, je t'aime quand même. Sans ton maillot.